Toute l'équipe, une énorme. Je t'aime à mon homme Mickaël. Salut Annabel, je t'embrasse ma chérie. Gros bisous. Hein. Dis-nous, hein, le, au lycée Jean Moulin. Salut lycée Jean Moulin. Salut les gars. Représente lycée Jean Moulin. 29 représente la Bretagne. Salut les Bretons. Salut les mecs du Finistère. Lycée, comment on dit les habitants du Finistère? Finistère. Je sais pas, ouais. Eh bah, ben, salut. Je sens que je vais briller. Ouais. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, je fais un peu. Si tu me parles, je fais un peu. Si tu me touches, je fais un peu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Alors, ça dit Finistère, moi, je vais te dire. Non, non. C'est bon. On dit quoi? Les Finistériens, Guillaume. Les Finistériens, ouais. J'avais une chance sur deux. C'était pas facile. Hein, je me suis planté, pardon. Et bah, salut à tous les Finistériens, le 29. Salut, ouais, le 2-9, on est là. On est là. Pourquoi vous êtes plus là? De minuit à 1h, ça craint. Sinon, continuez comme ça, c'est cool. Et je vous jure, je vais réexpliquer, mais une dernière fois, parce que. C'est relou. J'ai besoin de leur expliquer tous les fois pourquoi Amina n'est pas là et pourquoi. Amina n'est pas là parce que c'était son artiste qui sont dans des contrats énergie, donc c'est-à-dire que c'est pas une chose que nous. Et comme avant, on avait Bérénice, après Bérénice est partie chez Koé, après on a eu Amina qui part chez Mickey. Voilà, c'est des employés de la radio, comme, pas comme nous, donc du coup ça ne fonctionne pas pareil. Voilà, donc en fait les scénaristes. On fait tourner les standardistes, quoi. Merci. Merci, Julien. Ah, c'est tellement. C'est élégant. Tellement élégante pour Julien. Tout ça est tellement chiant. Ah merde, attends, c'est. C'est où, c'est où? Ah putain, je l'ai plus. Ah merde. Ah si. Et on fait tourner les standardistes. Et on fait tourner les standardistes. Bon, est-ce que vous avez connu quelqu'un qui... Donc toi, t'as une pote qui est devenue Tectonic Killer. Exactement, ouais. Elle se rasait sur, elle se rasait la tête et tout sur le côté pour se faire sa crête. Ah mais ça, c'est mignon, c'est comme Rihanna un peu. Ouais, je t'assure. Ouais. Ouais, se raser sur le côté. Mais après, elle a regretté après de se raser sur le côté. Ouais, ouais, elle a regretté carrément parce que après, voilà, ça repousse et t'as une coupe un peu chelou, quoi. Et là, maintenant, elle est plus genre killeuse. Ah bah non, du coup, non, ça lui a duré genre 6 mois. Quoi. Et là, maintenant, elle est quoi, genre, est normal? Ouais, normal, tranquille, elle travaille. Il y a plus trop de monde comme ça, vraiment. Avec la ville et. Ah non, mais t'as un peu genre un peu hip-hop street, mais le hip-hop street, il se ressemble de plus en plus avec, avec le reste. Hein. Ouais, il reste les gothiques. Regarde Nekfeu et tout, tu vois tous les rappeurs maintenant. Ils se font dans la masse, quoi. Oui, c'est ça, c'est tout le monde habillé pareil en fait. Casual. Un petit bomber, un petit jean, un petit truc, un petit. Petite basket dedans. Pardon, j'essaie. Ils sont casual, c'est le mot exact, je crois. Pour définir la mode. Casual, c'est pas en plus, c'est ça. C'est le bon. Il a raison, c'est lui qui vous apprend la parole. Salut, ouais, ma pote a totalement changé à cause de son copain, limite esclave de lui. Bonsoir, ça Périne Angoulême. Salut à toi, je t'embrasse. Salut. Bonsoir, un peu de pub pour ma chaîne YouTube, s'il te plaît, pas de problème. Julien, du jour au lendemain, il est devenu hétéro parce que 5 ans, il avait pas réussi à coucher avec un homme. Ah bah non, pas moi. Non. Moi, j'ai un pote qui s'est lancé sur YouTube et depuis, il a pris la grosse tête. Ah, alors venez nous raconter, est-ce que vous avez aussi quelqu'un qui a pété un plomb autour de chez vous, vraiment, qui a changé complètement de style ou complètement changé de comportement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Guillaume, et votre message là, au 6, 11, 12, on fait Mans, Salmerlo sur une que ça. Et dans mes yeux tu le lis. Je te mens mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Quelquefois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Je ne fais que

only. Yeah! De la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Alors, excusez-moi, vraiment, les amis, j'ai oublié un truc. J'ai oublié deux choses. Déjà, depuis le début de l'émission, je devais mettre une photo absolument de toute l'équipe en vacances. Je vais le faire absolument tout de suite sur la page Facebook. J'ai mis la mienne devant la capsule qui est sur la Lune, ouais, de la NASA. Jim, tu vas mettre la tienne. Ça y est, c'est fait, Guillaume. Venez sur ma page, hein, Guillaume Play, P-L-E-Y. Je vous mets la gueule de Jim du Standard en vacances. Mais je suis un stagiaire aussi. Allez, direct. Ah ouais, bah, tu ressembles à quoi sur la photo, Jim du Standard? Alors, t'es sur ta... Explique, hein, je te laisse décrire. Moi, j'ai une mini cabriolet, mais pour enfants, en fait. Et j'ai eu un god sur le capot. Voilà. Une mini voiture à pédale, alors, je précise, ouais, pas. Ça va pas ensemble. Hein, Je viens d'agir. Bah, moi, je suis un chevalier. En fait, j'ai fait ça en Allemagne, à Europa, ouais, Park. Et voilà, j'ai fait un spectacle de gladiateurs. De gladiateurs, pardon. Oh, j'en ai marre de mon. Mais non. Il n'arrive pas à parler. Gladiateurs. Déjà au début de la phrase, j'ai dit putain, il donc. C'est bancal. Ah ouais, c'est. De gladiateurs. Et en fait, il y avait un truc pour faire des photos. En mode chevalier, voilà, je suis rentré dans l'uniforme sur le cheval, un faux cheval. Et on va découper le gladiateur. Ah, le gladiateur. Il a enlevé les lettres, ça. Ouais, désolé. Il refait c'est pour aller plus vite. Qu'est-ce qu'on a comme photo, toi, Julia, là, qui était en vacances? Moi, je sais pas, j'ai fait un délire. J'avais une bouée de sauvetage. J'ai fait un délire. C'était 100% délire, les vacances. Il y avait ça. J'ai fait un délire à l'alerte à la Malibu parce que je ne pas du tout. Oh là là. Donc voilà, donc c'était assez drôle. Merci beaucoup, j'ai hâte de la voir aussi, on va bien rigoler. Flo Descalos, on a quoi comme photo de vacances de toi? Moi, c'était au Buffalo Grill. En fait, j'avais pris les lunettes de tous ceux qui étaient en train de manger avec moi et j'avais la coiffe d'Indien. Et je bave. Mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Il n'y a pas de respect. Ah là là, Flo Descalos est vraiment l'homme le plus drôle. C'est vraiment génial. Merci Flo Descalos. Mais de rien, c'est avec plaisir. Voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Mais hein, partout de la plaisir partagé. Ça permet de toucher la ménagère avec toi, Flo Descalos. C'est la famille. C'est vraiment bon partout, que ce soit la radio, la télé. Ça change. Merci à Amandine, 27 ans. C'est gentil, je t'embrasse très fort. Salut. Bisous. Enfin, pour pouvoir vous entendre, vous êtes au top. Allez, la France, Perrine, Marguerite de Valois-Angoulême. Salut, Kiss Love. Gros bisous, les chiens. Salut. Il y a la France qui joue ce soir, justement, contre la Biélorussie. Toujours 0-0. Match de merde. C'est bientôt fini. Et c'est pas un match de ou pas? J'avais oublié les photos, ouais. Je vous les mets tout de suite. Venez liker la page, les gars, on se retrouve dessus. Là, Guillaume Play, PLEY. Venez liker tout le monde, on se retrouve de plus en plus nombreux. Dessus qu'on arrive à 2 millions quand même là. Ah oui, quand même. Ah putain, on va pas passer 100 ans à 1 950 000 et quelques là. Voilà, 1 951 146, ouais. Voilà. Venez liker la page, les gars, on se retrouve dessus. Guillaume Play, PLEY. Et juste, on avait promis de faire une blague de JM du Standard. Ah oui, c'est vrai, Guillaume. Les soirs. soir à 22h09. Ouais. La blague pourrie est JM. Ouais. Elle est pas pourrie. Alors, pourrie. On va voir. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Ouais. Très bien. Moyenne. Si, elle est bien. Ah, parce que là, ça me saoule. Là. Ouais. Ça fait longtemps que tu m'as pas fait rire. Je vais te dire un truc. Ah ouais, il y a la pression là. Non, mais c'est vrai, t'as vieilli un peu. Non, mais Guillaume, je suis d'accord. J'en ai fait beaucoup et j'en connais beaucoup. Non, c'est vrai. Je vais pas faire du réchauffé. Non, c'est vrai. Il a fait une trentaine de blagues. Et est-ce qu'une carrière vraiment s'arrête à 30 blagues? Je pense pas du tout. C'est pour ça qu'on est toujours là. C'est pour ça qu'on va t'écouter, Jim Sandard. J'ai acheté tous les livres de blagues. Je vais couper les micros et je vais te laisser quelques secondes, hein, le temps de t'installer, de réfléchir. Elle est vraiment très bonne. Ouais, elle est bonne. Qu'est-ce que tu préfères pour t'accompagner du Gims, du Jules? Je garde la foule, je suis le chanteur de la foule. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Vous allez me donner une note sur 20 juste pour la blague, pour savoir un peu les meilleures, les moins bonnes. Ouais. Si elle a au-dessus de la moyenne, je la mets sur YouTube. Oh, oh, si, voilà, si elle est moins bonne, je la mets pas sur YouTube. Ouais. Non, c'est pas la carotte, c'est parce que je vais pas polluer ma chaîne YouTube avec des d'accord. Voilà. Jim Sandard, t'es prêt? Je suis prêt, Guillaume. Allez, c'est parti. YouTube ou pas YouTube? Allez. On va voir si la blague mérite. Vous envoyez Guillaume et une note sur 20 au 6-11-12. Et on va voir un petit peu la moyenne que ça fera à la fin. Trop plaisir de vous retrouver, contente enfin. Mettre un visage sur ta voix, Guillaume, je t'ai vu dans tes PP. Merci beaucoup, c'est sympa. Salut, merci. Ah, c'est marrant, t'avais jamais vu. Ouais, y en a. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que tous les mecs de Sécu de D8 sont venus me voir en disant attends, on t'écoute tous les soirs. Tous, et j'avais pas que on se raconte toi. L'émission. Bah, si, ça. En plus, ils sont venus vers moi dans le couloir et tout, et j'étais avec un pote et tout. J'ai dit à mon pote, putain, je crois qu'ils vont nous faire chier, ils vont nous demander de. Ah ouais. Je me suis dit, parce que ouais, ils me connaissent pas, donc ils vont demander de sortir du couloir. Et les mecs, ils viennent et tout, puis en fait, c'était pour faire. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est rigolo, je les embrasse, il est super sympa. Et Diego aussi qui m'a demandé de lui faire. Salut Diego. Salut Diego. Dédicace au couloir. Je fais les dédicaces qu'on me demande dans la rue quand je croise quelqu'un. Et on a une fille qui est venue. Manon. Ah oui. Ouais, qui est née de Basse-Normandie. Ouais. De Haute-Mer, de Pont-Haute-Mer. Voilà, on très sympa, ouais. Ils ont fait la route exprès pour venir faire une bise avant l'émission. Ah, c'est gentil, bisous. Voilà, je fais un bisou. Merci. À tout le monde. J'ai croisé dans la journée. JM du Standard. Ouais, la blague, c'est allez. Parti, on t'écoute. Donc en fait, c'est avant de signer un contrat, c'est un homme d'affaires, tu vois, il visite une usine qui produit des objets à base de caoutchouc. Donc le directeur, il fait la visite et tout, il s'arrête devant une première machine qui fait des sons bizarres. Ça fait dong, pshu, dong, pshu. Le directeur, il explique en fait que la machine, elle fabrique des tétines pour les biberons. Le dong, c'est lorsque la tétine, elle est moulée. Et dès que ça fait pshu, ça veut dire qu'elle est percée, tu vois. Donc il continue la visite et tout, il s'arrête devant une machine qui fait des capotes. Et là l'homme d'affaires il entend dong, dong, pshu, dong, dong, pshu. Putain, mec, dit attendez monsieur, votre machine elle a un problème, elle fait des trous dans les préservatifs. Et là le directeur de l'usine il fait oui, un préservatif sur quatre sort de l'usine et percé. Et là l'homme d'affaires il fait mais attendez, c'est pas très bon pour la réputation de la marque ça non? Et là le directeur il répond non, mais c'est très bon pour la vente de tétines. Merci. Ouais. Enfin. 3 ans après ça. Combien vous avez donné Alors, salut à toi. Merci, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'est Evan Julia sur la photo? Voilà. Tu veux pas te détendre la nuit sur la télé, Guillaume? T'es tellement énorme à la radio. Merci, mon José du 26. Salut, José. Salut. Non, mais je veux pas arriver comme ça à la télé. J'ai choqué tout le monde. Ah oui, bah demain, ça va. Mais... non, mais j'ai un balai dans le cul que je retire un centimètre par jour. Et au bout d'un moment, le balai va sortir. C'est normal. Tu sais, à la radio, je peux te dire que j'avais le balai dans le cul bien plus profond qu'à la télé. Hein. Ah ouais, là. Classe. Alors ma première radio, non mais en vrai ma première radio c'était horrible hein. Je croyais que j'allais vomir et tout, j'ai putain je parle dans 20 minutes. J'étais en train d'écrire mon speak et tout, sur le stylo. Mais ça c'est normal, ça fait partie des épreuves de la vie. Hein, JM du Standard, combien vous lui donnez pour sa blague? Guillaume et la note sur 20 au 612, on va voir combien vous lui donnez. Plus de gourmandes, plus de Jean-Jacques, plus de frérot. Salut salut les mecs, merci beaucoup. Alors on va voir. On va voir combien. 5,5 sur 20. Franchement, c'est sévère. Ah ouais, 5,5, bah, 19 sur 20. Merci. Pour la blague. Mika Routy, 16. Ouais. 8, même Julien suce mieux. Non. 8 sur 20. 16, Alain du 60. 0, sa blague me fait signer les oreilles comme une musique. De Jules, ouais. Salut, mordant l'histoire en camion. Vient de me faire arrêter un rond-point pour contrôle alcotest. Le gendarme me salue, se présente pour le test. Moi, comme un con, je dis bonjour, monsieur l'agent, vous allez bien? Le gendarme rigole, me dit encore un drogué. Alors, j'ai pas la suite après. 20 sur 20, énorme. Merci. 15 sur 20, 20, 9, c'était un mois de rire sur 10. Merci. Ah, ouais. Mathis du 37. Salut Mathis. Go, gros bisous, la team, et vive le frigo à mort, les pus, la pisse, les bâchés, T-Vince de le rouge. Eh, vous êtes relous, les gars, là. La blague bonne comme Julia, 20 sur 20, Ibrahim. Salut, merci, Ibrahim. 8 sur 20. Salut, Ibrahim, j'adore quand c'est Ibrahim. Salut, Ibrahim. Merci. Merci. Elle a changé de visage. Je vous suis, Ibrahim. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, Ibrahim. J'aime du standard, il est chaud, il est en feu. 17, 9 sur 10, c'était moins de rien. Merci. 5 pour la blague parce que j'ai souri au début, mais elle est nulle en fait. Salut Caro du 79. Salut Caro. Je mets un 20 sur 20 à JM en fin de blague. Coraline de Paris 13. Merci. Trop bien la blague, Eric de Vigneault. Salut merci, Eric. 20 énorme. 18 sur 20, Kylian du 94 de Boissy. J'y suis passé hier, c'est pour ça. Bonsoir à tout le monde. Eh ben, il y a des bonnes notes hein, merci, quand même. Ouais, ah non, JM du standard, merci fait, beaucoup, presque l'unanimité. Ah ouais, merci. Ouais. C'était énorme comme son nez, 20 sur 20. Allez, merci. 13,5 Enzo du 6-4. 15 pour une fois que le Marseillais dit une bonne. Ah ouais, non, elle est pas mal. Merci beaucoup de fois. Salut Mouloud du 42. Salut Mouloud. Mathéo pour la blague 13. Bravo Mathéo. Bisous Mathéo. Vous girez trois dédicaces à Elia, Rosen, Adèle, Margot et la 4ème B. Guillaume, salut à toi, t'es trop bien. Bisous. Lisa dans le 22. Merci les mecs. Trop drôle, je la connaissais pas. Ah ouais, je la connaissais pas non merci, plus. Ouais. Tu l'as sorti d'où celle-là? J'ai trouvé sur un livre. C'est vrai? Ouais, j'ai acheté plein de livres de blagues en fait. Je te jure, Guillaume. Et le problème, c'est que je regarde les chutes avant. Il n'y a pas un livre de blagues de Julien Stagiaire que tu as ramené à la radio? Ouais, mais je l'ai prêté, je crois, d'ailleurs. Ah, ouais. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dedans? Une capote. La capote. Là, tu me l'as pas dit. Ah, mais ça fait longtemps qu'il est à la radio, le livre. Hein. Ouais. Je crois que le livre, c'est 5 ans. Ouais. Ah, ouais. C'est vrai? Ouais, je crois. C'était à l'époque où il niquait souvent. Non, mais il y a une capote dans les pages, genre. Ouais, ouais. Mais capote. Non, non, elle est pas utilisée. Ah ouais, j'ai eu peur. Sinon, capote, je te l'aurais jeté dessus. Hein. Une capote emballée. Tu me l'as pas dit. Non. Ah merde. Et du coup, il l'a mâchouillé pour voir. Ça porte des chances, la capote. Ah là là. Bon, Guillaume et votre message aussi. Sans doute, venez réagir avec nous. On va faire un jeu ce soir. On va se faire les pervers. On va rappeler des petites annonces de pervers. Ouais. Et sont où les. Tu m'avais noté les noms, j'ai je t'ai noté, Guillaume. Ouais, il y en a plein. J'ai noté les noms des pervers. Ouais. Alors, on avait. Avant d'écouter Major Lazer, on se l'écoute là, avec Justin Bieber, Cold Water. On se fera les pervers. On a eu le gendarme de Saint-Tropez-Pénétration. Qui nous a répondu sur un chat de cul parce qu'on chauffe des hommes sur des chats. On a eu sexe à la maison au lieu de 7 à la maison. Ah ouais, c'est vrai. Lécher les kumas au lieu de. C'est les kumas comme ça. C'est quoi? Allez, juste après, on se fait l'énigme, on change. Juste après, on se fait l'énigme et ensuite, on se fait les pervers sur Énergie. Ok. On a gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Je suis le chasseur, t'es là. Ok. Oh, allez, on se fait l'énigme maintenant rapidement. Il y a Loana qui a appelé. Ludo, Marianne et Yann juste après pour passer à la radio avec nous. Bonsoir Loana de Salon de Provence. Salut. Ça vaut quoi, Loana? Enchantée. 15 ans. Ça va très bien. Et très bien. Et bon, enchanté. Bienvenue. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Écoute, je suis vraiment des putes. Hein. Et là, il m'envoie Mimati, il a déjà 58 ans, c'est fou, ça passe vite, on l'a pas vu grandir. Merci à toi pour ton message. Attends, j'ai essayé SMS carré. En fait, je lis les messages à la con. Hein. Bon, eh putain, vous faites bien. C'est vous quand même le. C'est le peuple qui est le plus drôle de tous les auteurs du monde. Ah, bah oui. Même un clown satanique fait plus rigoler que toi, JM du standard. C'était de la merde. Non, ça c'est gratuit. Ouais, ouais. Juste énorme ton émission sur le regret. Pourquoi tu fais plus les appels de phare et surtout, tu sens plus les gens avec toi, t'es tellement con. Salut Michael Routier. Ah ouais, non, mais c'est salut. Vrai. Non, mais en même temps, si je le sais toujours, on me dirait, dis donc, Guillaume, t'en as pas marre enfin, toujours. Pareil. Là, je vous rappelle que dans un instant, on va quand même appeler lécher les Koumas, le pervers du jour. On va quand même faire le sexe à la maison, le 2-7 à la maison. On va quand même appeler le gendarme de Saint-Tropénétration. Ah bah oui, il y a du. On va quand même appeler DJ Snake au lieu de DJ Snake. Il nous a répondu aux petites annonces. Non. On a aussi la radio nostalgique qui nous a et les Jeux Olympiques, voilà. Ah oui, c'est on, a, on a eu plein de pseudos. Les Jeux Olympiques. Donc on va les appeler dans deux minutes. On a eu plan suivi ou pas. Ouais. On verra. Voilà, c'est son pseudo. Et ben, on va l'appeler aussi. Et Loana d'abord. Loana, il y a des parents qui écoutent l'émission. Oui. On parlera des pervers plus tard. Alors, ouais. Comment s'appelle ta maman, Loana? Trinité. Trinité, bah enchanté alors. Salut. Et bah représente Trinité. Trinité et dédicace à tout le monde. Je te fais un gros bisou. Merci à toi d'avoir appelé en tout cas, Loana. À très bientôt. Ouais, bonne nuit. Salut, salut, bonne soirée. Bisous. Salut. Bisous. Salut. Merci, Loana. À bientôt. À bientôt. À plus. Ouais. Ciao. Monsieur oui. Oui, Loana. Ah oui. Oui, mon frère, Loana, c'est Karim, le standardiste. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Bon, bah merci d'avoir appelé à toi, Psartec. Alors, donc, je t'en passe le standard. Merci beaucoup d'avoir passé un petit coup de fil et tout, vraiment. Ah, bah tant pis, je fais pas l'énigme alors. Hein. Bah, l'énigme, on a trouvé une autre Kuma pour le faire, alors. Parce que laisser les Kuma, franchement, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, Patricia ! Ouais! Patricia! Ouais! T'as trouvé une autre Kuma, on va pour le faire! Hein. Ouais, j'ai trouvé, c'est bon, elle est là, je la mets à l'antenne! Ah, c'est bon, t'inquiète! Parce que l'autre, elle était pas bien, Loana, je sais pas quoi! Ah, Loana, ça m'arrive! Elle pue le caca! Elle sentait mauvais! Elle sentait la bouche! Ah, putain, des pieds! Ah! Elle chico pourri! Ah, c'était vraiment été en décomposition ou quoi? Ah, putain, c'est un chouma! Non, hein. Ah, merci! Bon, non, je rigole, Loana, monsieur, bien sûr, attends, t'es là, bien. Ouais, on va faire l'énigme, on va faire l'énigme avec toi! Il y a 6 phrases à donner! Faut juste trouver un mot, on le fait en 2 minutes, j'ai des PS4 à des Xbox One! On fait félicitera quand même Flo des cadeaux qui arrivait lundi sans connaître les cadeaux qu'il y avait. Non, c'est bon, c'est hier, bon. J'ai demandé ce qu'il y avait. Il y a quoi Flo des cadeaux aujourd'hui? Il y a des PS4, des Xbox One et des bracelets Fitbit. C'est tellement beau quand tu dis bracelet Fitbit. Ça te va tellement bien dans ta J'aime bouche. Bien ce mot. Le sport te va tellement bien, Flo des cadeaux. Ah ouais. C'est vrai, c'est en lui. On le connaît, on sait qu'il adore le sport, Flo des cadeaux. Bonsoir à toi, merci beaucoup pour tous les messages. Je vous adore, merci Bastos. Hein. Salut Bastos. C'est vrai, Michael Routier, je suis trop nostalgique. D'où vient le C'est qui le papa? Salut, bisous. Bah, c'était d'un clash en fait, on avait énervé un père c'est de famille. C'est qui le papa? Et j'avais dit ça pour l'énerver, et c'est fou, hein, même plus la même voix quoi. Ouais. C'est resté quoi. Si, c'est vrai, non? C'est qui le papa? Il y a un air, un petit bout de chou. On te reconnaît. Bon, Loana, on va donner 6 phrases. 6 phrases. Comme les doigts de la main, tu vas donner 6 phrases pour essayer de trouver un mot. Qui vous envoyez Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12, d'accord? Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro au 6-11-12. Attends, c'est pas du tout ça, je vais envoyer. Voilà, il est là. Vas-y, on t'écoute quand tu veux, ma chérie. Alors, la classique est âgée. On ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs. Il y en a deux films. Attends. La classique est âgée, t'as dit, hein, c'est ça? Oui. La classique est âgée. On ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs. Il y en a de films. Voilà, vous envoyez Guillaume déjà si vous avez trouvé. Et le mot avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Julien Stagiaire va monter un groupe pour succéder à Big Flo et Oli. Ça s'appellera Big Front et Calvicie. Ça, c'est Julia, méchant. Tu es très très charmante. Ah. Et tu as une voix et un rire sexy. Bisous sur tes fesses. Joël le militaire. Merci beaucoup. Ah, Joël le militaire qui draguait Mina du standard il n'y a même pas un mois. Ouais. C'est pour vous dire qu'il est libertin. Voilà. Je sens que je n'ai plus. Salut mon Joey. Salut, Guillaume est la bonne réponse au 612. Je vous file ce soir des PS4 ou des Xbox One. La classique est âgée. On ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs. Il y en a de films. qui suis-je? Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse. Dedans, vous mettez bien votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler. Hein. Guillaume, un espace, la réponse, avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. La classique est âgée, on ne peut pas aller plus vite qu'elle, elle adoucit les mœurs, il y en a deux films. Et attention, cinquième phrase, qu'est-ce que c'est? Sa boîte en fait. Sa boîte en fait. Et la sixième? Sans elle, il n'y aurait pas de chanson. Sans qui elle, il n'y aurait pas de chanson. Qui suis-je? Sa boîte, la boîte à 1. Sans elle, il n'y aurait pas de chanson. Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse. Et votre numéro au 612, allez-y, hein, qu'est-ce que ça peut être là? Est-ce que ça serait là? Il y a des messages. Est-ce que ce serait une mamie? La classique est âgée. Non. Non, c'est pas une mamie. Est-ce que ça serait les grands-parents en général? Rien à voir. La classique est âgée. Est-ce que ça serait le temps? Non. On ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs, il y en a de films. Est-ce que ce serait le thé? Pas du non, coup. C'est pas le thé alors. Est-ce que c'est le vent? C'est pas ça. La classique est âgée, on ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs, il y en a de films. Sa boîte en fait. Sans elle, il n'y aurait pas de chanson. Qui suis-je? Réfléchissez bien. Salut à Gaël Dancy. Salut. Salut, gros. Qui suis-je? Alors, Guillaume, non, qui a la bonne réponse. Ce serait l'histoire. On peut aller plus vite que l'histoire. C'est pas ça, c'est pas ça non plus. Ce serait la lumière. Toujours pas. La classique est âgée, on ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs, s'il y en a de films, sa boîte en fait. Sans elle, il n'y aurait pas de chanson. Il y a moyen de pécho un petit PS4 ou un petit Xbox One rapidement avant de commencer l'année. Là, réfléchissez bien. Guillaume est la bonne réponse au 612. On se va le voir au solaire, Sophia. On essaie de trouver la bonne réponse tous ensemble. On vous file les cadeaux sur Énergie. Là. Todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. De la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Bon, est-ce qu'on se ferait pas les pervers dans deux minutes là? Ouais. J'ai envie d'appeler des pervers, on va se les chauffer. Allez, je vais me faire passer pour une femme sur internet, je prends une petite voix et on va appeler. Ça va être bon ça. Beau gosse, tu m'as. Cousine. Ah oui. Ah bah cucu, bah zizine. Ah bah cucu, ah bah zizine. Bah t'es prête ou quoi? Attends, je suis encore toute nue, je m'habille. On appelle des hommes, on est chaud. Oh, des beaux hommes avec des bien membrés. Des bien membrés? Oh, j'en perds mon latin, tellement j'ai chaud, je dégouline encore une fois. Des bien parlés français ou pas, cousine? Ah ouais, ça peut être mon professeur de français. Allez, on les appelle dans deux minutes. Juste, on termine l'énigme en 30 secondes. Il y avait une énigme ce soir que nous avait donné Loana.

Sécurité d'énergie, ils sont pas cool. Bonsoir Mehdi par SMS. Ah, salut Mehdi de la sécurité d'énergie qui envoie un SMS. On t'embrasse Mehdi. Ah salut, salut Mehdi. À mon avis c'est ça. À mon avis. À mon avis on va te faire un gros bisou. À mon avis c'est lui. Bon, et si vous voulez venir, on est à la maison le soir, vraiment sur Énergie 22h56. On se fait rapidement cette énigme, mais ensuite on part sur un pervers JM du standard. T'en as un qui est bon? Ouais, j'en ai plein de toute façon. Et juste après, il faudra trouver la classique étagère. On ne peut pas aller plus vite qu'elle. Elle adoucit les mœurs. Il y en a de films. Sa boîte en fait. Sans elle, il n'y aurait pas de chanson. Qui suis-je? On se fait les pervers maintenant. Comment il s'appelle le premier qu'on appelle? Plan suivi répondre. Ou pas, ouais. Comment? Plan suivi ou pas, il Plan suivi ouais. ou pas, très bien. Il répond. Il a mis son nouveau Ritza là sur internet. Il y a des stories de fous, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. C'est les nouveautés de la journée, voilà, arrêtez, c'est plus. On s'écoutera tout ça, plein de trucs à écouter. Mais d'abord, le pervers, j'ai besoin. Vas-y, mets-le, ouais. appelle-le. Ouais, c'est bon. Je me fais passer pour une femme, je vous explique ouais. si vous découvrez l'émission. Je suis mandarine, j'ai ma cousine. Ah oui, bonsoir, je suis la cousine. J'aurais peut-être ma cousine américaine. Hello, I'm here. Voilà, on ferait. La cousine anglaise. Hello, it's time to tea. Ouais, on se fait passer pour des femmes et on chauffe des hommes sur internet. JM du standard, il est chauve juste avant. Ouais. Il est 22h58. Il y a la France, Biélorussie. Ouais, 0-0, c'est fini. Match nul. Voilà. Un point. Attends, on n'est pas foutu de planter un but à la Biélorussie. Biélorussie. Ah ouais, c'est pas ouf. Hein, mais ouais. Non, comme tu dis, c'est pas ouf. Alors, non, ouais. On appelle, comment il s'appelle lui? Plan suivi ou pas, ouais. Très bien, alors on verra bien. C'est un mec qui est pas. J'espère que c'est suivi. Plan suivi ou pas. Eh ben, on appelle, vas-y quand tu veux. Ouais, voilà, ça c'est. Avec 0-0 pour France Biélorussie. Allô. Allô. Oui, allô. Tu m'entends? Oui, et toi? Oui. C'est bien Plan suivi ou pas? Oui, c'est bien moi. C'est bien toi. Pascal. Eh ben, enchanté, ouais. Moi, c'est Mandarine. Tu vas bien? Oh, Mandarine, oui. Moi, c'est mon vrai prénom. Tout le monde croit que c'est une blague, mais non. Ouais, ouais, bravo la blague. Non, non, ben, c'est joli, c'est Mandarine. C'est pas commun. C'est mon pseudo, c'est Jeune fille cherche mur pervers, tu sais, sur Coco. Ah, bravo, ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te rencontrer, t'as une voix sexy, oh. Ah ouais, merci, ben toi aussi. Ah, c'est gentil. Mm-hmm. T'es d'où, toi? Ah, moi, je suis de Marseille. Ah. Dans l'11e. Ah, bah t'es à côté de moi. Sérieux? Bah ouais. Moi, je suis à Saint-Marcel. Moi aussi, je suis à Saint-Marcel. C'est pas vrai. T'es, attends, parce que moi, je suis rue des King Kongs. Vers le Billon, non, ici? Exactement. Putain, tu connais bien, oh. Eh ouais, j'étais à Billon quand j'étais mignon. Oh putain, mais on est prédestinés à se rencontrer. T'en déconner. Oh putain, mais t'as une voix, tu m'avais reviré comme un bœuf. Ouais, ouais, bravo. C'est vrai, non? Ouais, ça va. Hein. Tu dois être sale, toi. De suite. Tu dois être un mec qui aime bien sodomiser les filles, toi. Moi, j'aime bien niquer, j'aime la baise, en tout cas. Ah, je le savais, j'avais senti dans ta voix. Ouais, ouais. Ça, le cul, j'adore le cul. Hein. Tu viens d'où, toi, fils? Alors, t'es Marseillais de base? Ah, ouais, je suis né à Marseille, hein. J'ai grandi à La Rouguière. Ah, La Rouguière. Je suis de La Rouguière aussi, mais c'est pas possible. Nos destins, ils se suivent. Comment tu es de La Rouguière, sérieux? Mais je te dis, c'était que de fou, de l'argent. Ouais, sérieux, on se voit ou quoi? Bah, vas-y, t'es disponible ce soir. Ah, ouais, tu viens, tu sonnes, tu montes. Hein. Moi, j'ai envie de ça, là, je suis pas là pour boire l'apéro. Ben non, tu viens, ça m'a l'air comme base, hein, y a pas de soucis. Ah, ça m'excite, ça. Moi, je te broue, toi, tu me mailles du chichi, tu fais ce que tu veux. Tu veux que je te mange du chichi? Tu me mailles du chichi, tu vas voir. Ah ouais? Tu manges les chouchous et le chichi après, quoi. Ah, tout. Dis-moi, parce que ouais. Je suis chez ma cousine, en fait, je suis à plein de cul, ouais. Tu vois aussi? Ouais, j'y sais aussi. Chez Jeannot, chez Jeannette. Attends, tu veux que j'appelle ma cousine qui me dépose? Ah ouais, vas-y. Attends, parce que moi, j'ai pas la voiture, là. Attends, parce que j'ai beaucoup de cousines. On a fait une réunion de famille, là. Ah, bravo. Ah oui, c'est Zarma. Attends, parce que j'ai ma cousine marseillaise, justement. Attends. Hé, cousine marseillaise, hein. Ouais. Hé, cousine. Ah ouais. Hé, tu peux me déposer après ou pas? Ouais, si tu veux. Tu veux que je t'aille où? Que ni me dépose la 11ème. 11ème vers les Trois Palmes là-bas. Non, c'est Marcel. Ah, c'est Marcel, c'est derrière le cinéma ça. Ça, c'est à côté des Billons. Ah ouais, le vieux, je connais. Tu veux me déposer? Y'a pas de problème, tu vas faire quoi? Attends, parce que le problème, c'est que c'est pas toi qui as la voiture. Eh non, c'est pas moi. Ah putain, bah, casse-toi. Mais moi j'ai la voiture, mais j'ai pas le permis. Fou, mais non, j'ai trouvé une cousine qui l'a. Attends, j'ai ma cousine du Qatar. Attends. Cousine Qatari. Oui. Cousine Qatari. Oui. Et est-ce que tu peux. Que des Ford là. Cousine Qatari. Oui. Est-ce que tu peux m'emmener? Tu fais quoi là? Mais je ne fais rien. Je peux t'emmener avec la voiture de papa. Et c'est quoi la voiture? C'est le dernier Hummer plaqué or avec des roues en diamant. Qu'est-ce qu'on mange après? Ah, après j'ai fait la kefta avec le taboulé et puis on mangera des cornes de gazelle. Comment il s'appelle ton papa, mon oncle? Ah, le Cheikh Alman. Il est très gentil. Bah, sérieux, ça va ou quoi? Attends, j'ai mon autre cousine. Ah. Non, parce qu'elle, elle a pas de voiture, elle a pas le meur, il est pas dispo. Ah, bravo. Il est dans la villa. Attends, j'ai ma cousine. Cousine cubaine. Ah, oui. Cousine cubaine. Attends, je fume. Jure. Oh, Fidel Castro, je vois un culte à toi. Si. Ah, hasta luego. Tu peux me dire. Hasta siempre. Comandante Che Guevara. Aquí. Cousine, t'es pas une Argentine, qu'est-ce que tu fais? C'est Argentine, cette débile. Ah, c'est Cuba. Eh oui, Cuba bon, libre. On s'en fout, vas-y. Ah oui, on continue. Eh oui. Attends, c'était quoi la musique qui est connue de ton pays là? La Havane. Nécessite. Ah non, c'est pas ça. Là. C'est pas ça. On a fait les tongs Havana. Qui ressemblait là, la voix. Maria, Maria. La Macarena, non? C'est pas cubain, non? C'est l'Espagne. Vous avez rien fait à Cuba ou quoi? On fume. Il y a une fume. Musique que connue là qui passe tout le temps. Bah là, bah là. Non, la sienne. Il y avait la même voix qui passait cette musique l'autre jour. Quoi? Bah, oh, Macarena. Es que eres tus tus labios. Suavemente. Suavemente. Besame. Que quiero sentir tus labios. Sangre bien de noche. Merci cousine. Gracias mucho. T'as pas de coaché toi ce soir? T'as pas de voiture? Non coaché, only fumetas. Ah, tu fais que fumer. Aussi. Ah. Attends, mais de ce cas-là, je vais demander à mon autre cousine allemande. Ah, bravo. Cousine allemande. Yeah. Cousine allemande. Yeah. Volkswagen coccinelle. Hey, cousine. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la saucisse dans la choucroute. J'ai la choucroute sur le feu. Il n'a pas la saucisse dans la choucroute. Putain, j'ai envie de vomir. Vous me déposez? Ya! Yeah, avec la Mercedes! Invité! Cousine allemande! Ya! Yeah. Qu'est-ce qui se passe encore? De mieux en mieux. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait, cousine, ce soir? Ce soir, il y a une partie, une fête! Et on va bien s'amuser, on va rigoler avec la bière! Ça va être très très bien. Ah, génial. Putain, mais pourquoi tu t'habilles avec une salopette, cousine allemande? C'est parce que je fais la révision de la Mercedes. Pour vous amener. On va s'amuser, tu seras obligé de t'amuser. Obligé de t'amuser. Fais du plaisir. Ah putain. Ouh, j'ai mal à la mâchoire. Attends, je me fais de mieux en mieux. Cousine allemande. Yeah. Attends, excusez-moi, mais on a quoi à part la Mercedes si elle est en panne pour nous emmener là-bas? Eh bien, on a la Volkswagen, la Passat. Ou alors j'ai garé dans le jardin le tank. Il n'y a pas la coccinelle. Il est très beau, je l'ai lustré. Il est lustré aussi. Ma cousine allemande, elle est un peu sévère quand elle fait l'amour. Yeah, je vois, je vois. Les coups de fouille. C'est tout. Moi qui domine. Qu'est-ce que tu aimes faire, cousine allemande de sexe au lit? Je mets les hommes à quatre pattes. Et je leur mets le pied sur la gueule. Puis c'est qui décide? C'est Gretchen. Ah, vite dingue. Ah, quelle cousine celle-là. Putain, j'ai une belle famille. Oh. Yeah. Ah, ouais. Je te dis pas le repas de Noël. Oh. Je suis très contente de visiter Marseille. Ouais. C'est une très belle ville, mieux que Berlin. Tu es allé voir Notre-Dame? Allez. Non, je n'ai pas allé. Non, elle n'est pas encore allée. T'as pas encore vu, Jürgen? Marine. Oh, putain. Attends, j'ai aussi ma cousine de Guadeloupe. Attends. Ah ouais, elle y est aussi. Elle est... Cousine guadeloupéenne. Oui. Cousine guadeloupéenne. Oui. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon, bon, bon. C'est bon pour le moral. Cousine guadeloupéenne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais me déposer chez un ami? Est-ce que tu pourrais me déposer chez un ami? J'ai envie de sexer. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai la flemme. J'ai pas envie de sortir. Allemande ou t'es la guadeloupéenne? Non, j'ai le Guadeloupe, non, Guadeloupe, pas comme ça. Non, non, non, c'est vrai, mais j'ai pas envie. Je t'amènerai demain. Si tu veux demain, après demain, parce que là, je vais faire la sieste. Je suis crevé aujourd'hui, j'ai travaillé trop dur. J'ai fait quoi? Aujourd'hui j'ai rien fait, je me suis mis en RTT, mais je suis quand même fatigué. J'ai récupéré du long week-end. Ah, fidèle de merde. Ah oui, après j'ai pris un peu de kilos. T'as pris quoi? J'ai pris un peu de kilos. T'as fait quoi? Pourquoi t'as mangé quoi? J'ai mangé des mafés. Non mais mafés en Afrique, cousine. Oui, mais j'aime bien l'Afrique parce que mon mari est africain, c'est pour ça. Ah. Choc des cultures. Choc des cultures. Ma cousine guadeloupéenne, putain. La Guadada. Elle m'a donné un god, ma copine guadeloupéenne. J'ai le god Martin Luther King, je vais me le rentrer. I have a dream. I have a dream. One day, it's possible to live in symbol. Alors, t'as envie de rencontrer quelle cousine en priorité? Ben, la première, hein, je ne connais pas, apparemment, elle a l'air plus chaude. Hein. Bah, écoute, place suivie, je vais te laisser, chérie, parce que j'ai rendez-vous, là. Ah, bravo. J'ai rendez-vous avec un plan cul tahitien. Ah, tu me laisses en temps, alors. Il vient d'arriver, mon plan cul tahitien, à l'entrée de la chambre. Plan cul tahitien. Ah, bravo. Oui. Plan cul tahitien. J'arrive. Qu'est-ce que tu veux me faire? Je vais te mettre ma baillotte dans la chatte. On est borderline. Borderline. Mais à l'autre bout de l'histoire de France. On a sauté la barrière. On c'est est à la l'autre côté du mur. Moi, je te laisse, place suivie. Je te laisse, place suivie. Je te fais un gros bisou parce que je dois y aller avec mes cousines. Dites bonne nuit, les cousines. Bonne nuit. Bonne nuit. Gros bisous à toi. Ben... Je dois te laisser. Non. Je t'embrasse et je préfère raccrocher vite là, parce que c'est chaud. Là. Mais qui fait... le mec qui met le malaise. Voilà, putain, il est bien ce bavard là. Ah, ouais. 23h09 pour la France contre la Biélorussie tout ouais, à l'heure. Fini, match énorme, je suis mort de la cousine allemande, le chouchou. Rasé, une petite. Obligé de m'arrêter tellement j'ai rigolé. Ah, merci. C'est cool. Putain, merci les gars. Oui, des vides gratuites pour jouer stagiaire. De quoi? Mort de rire, trop bien le Marseillais. C'est le tonton de JM du standard. Il a même temps. Ah non, vous êtes trop de la bombe. Je vous adore. Ah, merci, ça nous fait plaisir les gars d'avoir les petits messages comme ça. Merci, c'est trop cool. Salut Warren et Chou, Transport Live. Bonne soirée à tous de la part de Sonia. Gros bisous, Sonia. Salut. Dites-nous comment vous avez trouvé. Là, j'adore la nouvelle chanson de Soprano. C'est les Jeanne d'Arc. Merci, Jeanne d'Arc. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me crois, je parce que je suis chaud. Ah ouais. C'est énorme, je suis mort de... Ah, merci beaucoup les gars. Bon, ça me fait plaisir si vous avez kiffé le truc comme nous là. On se termine l'énigme juste après, on parle de cul, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cul. Ouais. Juste après coup, c'est le nouveau, il s'appelle Don't You Know sur NRJ. fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Je m'appelle Bourligo. Je suis le pirate qui a pris la mer des Caraïbes pour mon territoire. Nous sommes en 682 après Jésus-Christ. J'ai le plus gros bateau de l'île. J'ai mon gang de pirates avec moi. Deux tarés. Deux malades. Deux salopards. Prêts à tailler les veines pour prendre l'or. Il y en a un qui n'a qu'un œil et un crochet à la main droite. Il s'appelle Barbulis. Barbulis ! Ouais ! Barbulis ! Ouais ! Qu'est-ce que tu vas leur faire quand on va tomber sur leur bateau ? Je vais les tuer un par un, comme j'ai tué le Moussaillon. Ah oui, le Moussaillon, il était avec nous, du coup. Je savais pas que c'était lui, je confonds. J'ai qu'un œil, je te rappelle. Je suis aussi avec l'autre. Elle nous sert à la fois de femme de ménage. Sur le bateau. De cuisinière. Mais aussi... de bouche-trou, quand on a une petite envie. Elle est là pour nous. Elle s'appelle Magalia. Oui. Magalia. Oui. Viens ici, viens. Laisse-moi là. Viens faire les patates. La patate. Viens faire les frites. Les frites. Viens faire la salade. La salade. Elle est où l'huile? L'huile. Elle est sur le feu. Parce qu'il faut la surveiller. Et j'y suis enfin avec mon fidèle ami depuis toujours. Il est gentil. Il est bon. C'est un homme bien. Il tient la barre du bateau depuis 3 mois maintenant en direction de la mer des Caraïbes pour aller sur Columbus Island, l'île où Christophe Colomb a mis le petit peloton. Il s'appelle Uguli. Uguli. Uguli. Oui. Uguli. Oui, capitaine. Pareil à la bandage. Ah, le vieux. Ah, Flo Di Cadeau. Je suis assez fan. Ah, tu m'as tué de rire quand il a fait le monde. Ah, c'était Flo Di Cadeau, toujours. Ouais. Ah là, putain, c'est des fous quand c'est comme ça. C'était... Merci beaucoup. Ah, chapeau bas, vous méritez la médaille d'or. Merci mon Charles du 66, vous êtes énorme les gars, j'étais mort. J'en ai réveillé mes parents, je suis mort, ça fait 3 ans que je vous suis, vous êtes toujours au top. Merci beaucoup, je suis mort de là, la meilleure cousine était allemande. Mort de rire avec la cousine allemande. Salut les Franquis et Transport Malherbe. Salut, bonne route. Et au transport Lexovien, Jérôme de là, à part de Baptiste et Transport Transcal. Cousine allemande. Yeah. Cousine allemande. Yeah. On va le refaire ça. Mais, l'agression dans le yacht. C'est ma nouvelle cousine cette année. C'est de la cousine allemande là. Énorme pour faire un film. Salut. Ah ouais, on a retrouvé des musiques. Kev Adams, il a pécho Kendall Jenner. Ah bon, non. Il a mis une photo, je crois. Elle, ah, putain, vous m'avez tué, trop drôle l'allemande quand il est comme ça. Je vous kiffe. Salut Céline. C'est tout. Ah, on a. Attends, j'ai aussi ça là. Je m'appelle Baptiste, j'habite face le port. Ça fait maintenant 15 ans, j'habite là, face le port. Je suis avec mes frères, j'habite en Sicile depuis toutes ces années. Là. Avec mon frère, je m'appelle Baptiste, et mon frère c'est Léon. Léonzo. Ouais. Ah mais, tu es mon petit frère. Léonzo. Ouais. Je suis le pequeño frère. Léonze. Ouais. Va pêcher cet après-midi. Va pêcher quoi, la truite? Mais non, pas la truite, c'est dans la mer. Ah, je sais pas, je suis petit frère. La rivière. Ah, la rivière. C'est qu'il a jamais pêché. Eh non, j'ai un peu de teubé. On va aller pêcher le poulpe. Ah, le poulpe. On va pêcher le bar. Avec maman. Avec quoi? Avec maman. C'est la maman, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ah putain de merde. Une story de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement. Allez, on se termine, on parle de cul. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et tout se passe ta nuit, tu peux le voir à mes cernes, comme une seconde vie qui fait naître nos rêves. Et tout se passe ta nuit, tu peux le voir à mes cernes, encore une insomnie. Ce soir, moi je traîne. Tu sais, la nuit, moi non, Je fais le tour de Paris posé sur ma Vespa. La queue devant les clubs dans lesquels je rentre pas. Je me dis que je vais me coucher tôt, mais à chaque fois je rentre tard. Les bords de scène remplis par une foule agitée. Ce qui se passe dans ma ville, c'est pas. Pourquoi t'es pas tard? Parce que personne veut de moi. Mais. pas du tout, t'entends. Voilà, juste. Il y avait au standard Loana. On t'entend plus, Loana, chérie, là, tu m'entends? Bah si, je suis là. Oh là là, t'as vu, il y a l'âme dans Touche pas mon poste. Ouais, ouais, ouais, chouette. Elle revient. Voilà, il y a l'âme qui arrive dans Touche pas mon poste, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu ça sur Twitter. Bon, Loana ? Oui. On termine cette énigme ou on attend le déluge là ? Ouais, mais Bon, alors vas-y, Guillaume, un espace et la bonne réponse au 612. On prend le gagnant maintenant, le classique étagé. La classique étagé, on ne peut pas aller plus vite qu'elle, elle adoucit les mœurs. Il y en a de films, sa boîte en fait, sans elle, il n'y aurait pas de chanson, qui suis-je ? Vous envoyez Guillaume et la bonne réponse au 612. Est-ce que ce serait la musique qui est arrivée là ? C'est ça, c'est gagné. Les ondes, ah ! Bravo ! Parce qu'il y en a un qui disait les ondes ou la radio. Non, non, c'était la musique. Bien joué. Voilà, il y a eu plein de réponses qui n'étaient pas bonnes et du coup, on a eu la bonne réponse. On va prendre un numéro au hasard, ça va sonner chez vous. Je vous rappelle que maintenant, ça a changé. Si vous venez d'arriver, maintenant, c'est du lundi au vendredi, de 22h à minuit. Alors, ouais. On a changé les horaires, les gars. Je vous ai mis toutes les photos sur ma page Facebook. Vous venez liker, les mecs. Guillaume Play, PLEY, j'ai mis toutes les photos de l'équipe en vacances. Voilà, les photos séparées de toutes les vacances des équipes. C'est assez marrant à voir. Alors, la photo de Julia qui se prend pour Benjamin Anderson. Flo des cadeaux qui bavent. Je viens stagiaire en chevalier. J'aime du standard avec un god. Sur nous. Voilà. Ouais, tu m'entends? Oula. Allô? Ah merde. Bonjour Guillaume. Oui, bonsoir. Tu te rappelles de Valérie? Bien, le bonsoir. Valérie? Bonsoir. Oui, de Caen. Valérie de Caen? De Caen? Ben oui! De Valérie de Caen? Ah, on s'est vu à Caen peut-être? Ouais, ouais. À la Fnac de Caen? Oui, oui. Ouais. Là, on est à la Fnac. Ah, oui, excusez-moi, on a eu beaucoup de mal. Mais oui, je crois savoir qui tu es, Valérie. Une femme? Ben oui. Valérie. Quand t'avais fait des bonnes crêpes. Valérie, tu avais une bouteille d'oxygène. Voilà. Ah, je vois très bien. Tu as une bouteille d'oxygène. Ouais. Je me souviens très bien, Michel. Comment ça va? Comment ça va? Oh, pas trop bien, mais. Ah, merde, je vois très bien. On avait fait une rencontre à la Fnac. Voilà. Et exactement, ma chérie. Et ben, écoute, en tout cas, bon, bah, j'espère que ça va aller mieux, là, Valérie. Oui, oui. Et, tu sais pas, ma fille, vous écoutez? Eh ben, c'est mis le doigt dans une porte, mais c'est cassé carrément les phalanges. Et l'ongle, il est. Faut qu'il saute. Mais est-ce à l'instant, là? Oui, à l'instant, t'inquiète pas. Ah, mais elle vient de se péter le. Mais non, pas là. Hein? Ah merde, ils sont tellement contentes qu'elle a claqué la porte sur les doigts de sa fille. Bon. Ma chérie, alors, attendez, vous savez quoi? Parce que j'ai la pub qui arrive. Les amours, là. Juste, je vais faire tourner la roue. Oui. Et on va vous envoyer un petit cadeau à la maison, d'accord? Ok? D'accord. Il y a des PS4, il y a des Xbox One, il y a des bracelets Fitbit, hein, d'accord? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir de gagner? Je vais prendre la PS4. Attends, fais tourner la roue. Ah, c'est pas sûr. Il y a un suspense. Pas gagné, c'est pas gagné. Les PS4, il y a les Xbox One et les bracelets connectés Fitbit. Allez, c'est parti. Fais tourner la roue, les cadeaux. Je me suis pris un râteau, Guillaume. Aujourd'hui, je suis gavé très. Salut, poteau. Ah, merde. Ouais, non, t'as pas une PS4. Eh ben, c'est gagné. C'est gagné, les amours. Je vous envoie ça à la maison, d'accord? D'accord. Ok, je vous fais un gros bisou, ma chérie. Je vous très fort. Gros bisous, Valérie. Bisous, bien joué. Gros bisous à tout le monde. Gros bisous à la famille. Je vous embrasse très fort. Gros bisous, bisous. Mais oui, je vois très bien qu'il était venu nous voir là, une petite bouteille d'oxygène et tout. Voilà. Ouais. Il était venu voir une séance de dédicace à la Fnac de Caen. Je me rappelle un peu des prénoms, etc. Là. Ah ouais. C'est lui qui, je suis prêt à un râteau aujourd'hui. Je suis en troisième, j'ai besoin de faire un. Et si vous prenez un râteau, c'est pas grave, vous y retournez. Hein. Bah ouais, ouais. C'est pas la fin du monde. Hein. Non, c'est juste que vous méritez pas, ouais. Vous en aurez un autre, il n'y a pas de problème. Allez, vous bougez pas, juste dans deux minutes, on parle de cul. S'il y en a un qui veut parler de sexe, on va retrouver Yann qui voulait parler de choses sales. On va retrouver le cul sale un peu juste après. Vous serez les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Énergie Apple. Dès que vous entendez le double hit. Avec Justin Bieber et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler NLG 3937 et vous gagnez le pack Énergie Apple avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Énergie numéro 1 sur les hits pop, R&B, dance. Hey,

valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, lundi au vendredi, sur Énergie, 22h à minuit. Bonne nuit, les mecs, là, bon courage à la maison. On se retrouve le soir, là. On en profite un peu de 22h à minuit, sur Énergie, comme d'habitude. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes chez vous, hein. Guillaume et le texto 612, je vous appelle direct. Bon courage, hein, si vous n'arrivez pas à dormir avec les cours demain, avec le stress, avec la rentrée, non, qui rentre encore demain, j'ai vu. Donc, bon courage à tout le monde. Si vous bossez de nuit, on est ensemble, on passe les soirs. Et là, les gars, il y a Guigui de la régie qui est avec nous dans le studio. Viens là, Guigui de la régie, mets-toi près du micro. Ouais, ça, t'as passé une bonne journée, ouais. Ouais, nickel. C'est lui qui me trouve les musiques quand on fait des jeux, là, des... Je m'appelle Baptiste. Et c'était bien les musiques aujourd'hui, là. Ouais, c'était bien, ça a changé un peu, là. J'aime bien faire des trucs comme ça. Tu mets des musiques comme ça, là. À 5 ans en CP, voilà, très bien. Est-ce que tu veux venir à la FNAC de Reims pour une séance dédicace? Avec plaisir, Céline. Ah, on est déjà venu. Alors, attends, on va se. J'ai eu la première fois, oui, d'accord, ok, j'ai pas lu. Ouais. Très bien, alors on va se faire le. Tu as trouvé des sons sur internet à chaque fois? Ouais, carrément. Ouais. Ou des trucs à la télé, des trucs ouais, un peu ouais. marrants, et il nous les fait écouter en une minute juste avant qu'on parle de cul. Ah. C'est juste avant le cul, il y a Guigui de la régie. Juste avant. L'entrée. Juste après lui, il y a du cul. Ah, le mec, il passe, il peut cacher du cul. Voilà, donc un Guigui peut en cacher du cul. Préliminaire. Ouais, c'est les préliminaires. Ouais. Donc, si jamais vous voulez parler de sexe, les mecs, un truc un peu marrant, j'ai vu qu'il y a des histoires bien sales qui sont arrivées, ça vient nous faire rien. Ah ouais. Guillaume et votre message, hein, vous m'expliquez. Il faut juste commencer par Guillaume le texto et vous me le balancez au 612. On reprend les bonnes habitudes de la rentrée et puis c'est reparti. Guigui de la régie, qu'est-ce qu'il a trouvé aujourd'hui? Bah, du coup, pour commencer, c'est sur M6 en fait, c'est pendant l'émission L'amour est dans le pré. Attends, je te mets une petite musique. Voilà, très humble, vas-y, on y va. Du coup, c'est dans L'amour est dans le pré. En fait, il y a un mec qui rencontre pour la première fois une des prétendantes qu'il a choisie. Et le truc, c'est que du coup, la prétendante, elle va lui poser une question. C'est sur la photo qu'elle lui a envoyé pour se présenter, et le truc c'est qu'il est complètement perdu, le pauvre. Alors t'as vu ma photo et qu'est-ce que t'as plu chez moi? Comment je vais dire, pauvre. C'est bah tu. Tu as des petits enfants. Oui. Et donc. Bon là je suis un petit peu intimidé. Bon. Attends, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est deux hommes? Non, c'était une femme. Ah, c'est une femme là? Alors t'as vu ma photo et qu'est-ce que t'as plu chez moi? Ah ouais, c'est une femme. Non, c'était une femme, ouais. Ah ouais, une belle voix. Non mais je me suis pas reconnu du coup comme ça. Non, d'accord, ok, très bien. Ah ouais. Donc elle a un peu paniqué, quoi. Oui, voilà, il était un peu perdu. Qu'est-ce que t'as d'autre? Bah là, c'est sur le web, par contre. En gros, il y a un mec aux États-Unis. Il va dans la chambre de son père parce qu'il est en train de faire une petite sieste. Et il le filme parce qu'en fait, son père, quand il dort, il ronfle très très bizarrement. C'est pas vrai. Mais non, c'est un animal. C'est pas vrai. C'est une émission, ça? Non, c'était pas une émission, c'est sur le web. Le mec, il l'a filmé comme ça, il l'a posté. Impossible. Ouais, ça s'est sorti quand, ça? C'est là. Non, c'est vrai. Ouais, c'est une baleine. Mais on dirait un truc avec une perceuse. Ah ouais, oh là là. Mais c'est le pauvre, il peut jamais dormir avec ça là. C'est surtout les gens qui dorment à côté de lui. Et les voisins. Merci, j'aime du standard. Non mais c'est vrai, moi j'aime pas qu'il renfle pareil. Il est toujours en arrière, il arrive, il balance la phrase utile. Ouais, non mais c'est clair, c'est exactement ça. Même avec des boules casse, moi j'arrive pas. Mais moi franchement, j'imagine tu sors avec Adrien Lacœur en bœuf et quand il dort. Le cauchemar. Qu'est-ce que tu fais? Tu la quittes franchement? Moi je pense que je peux pas rester avec elle. Je la quitte pas, mais je dors pas avec elle, quoi. Tu trouves une solution? Non mais tu fais une chambre, c'est pareil, quoi. Loin alors la chambre. Ah ouais. T'achètes un couloir, quoi. T'achètes un appart en longueur, quoi. Ouais, c'est impossible. On le voit, le mec, ou pas? Ouais, non, on le voit, ouais. C'est pas vrai. Si, on le voit. Bah oui, il filme son père, donc ouais, carrément. Non, mais ça, c'est magnifique. Ah ouais. Là, je vous le dis. Ah, mais ça, je vais le prendre, je mets dans tout le monde. Non, ça, c'est trop drôle, ça. Ah là là, tu détournes en plus après. Ah bah ouais, bien sûr. Attends, mais t'imagines, tu sais pas de quel trou ça. Ça fait un peu bruit de paquebot, ça fait un peu sirène, ça fait un peu prout aussi, non? Imagine, tu décartes les fesses. Non, non, non, mais attends, il fait ça longtemps, tout le temps? Bah, à chaque fois qu'il dort, quoi. À chaque fois qu'il dort. Chaque fois qu'il dort. C'est possible qu'il ait un problème au nez aussi. Ah ouais, d'accord. C'est un Français ou c'est hier? Non, non, américain. Un américain. Ah, il y a un avion qui s'est crashé à 20h et qui a pris feu, une zone du 74. Oula, attends. On a rien vu. Attention. Si, c'est possible, on sait pas tout. Ouais, mais après 20h. Mais bon, il faut faire attention parce que parfois il y en a qui s'amusent à faire le buzz, à nous sortir des doses. Ouais, non, non, il y a rien, Guillaume. T'as tapé avion? Avion, ouais. Voilà, donc il n'y a rien. Google ne confirme pas ce que tu dis pour l'instant. Non, non, ouais. On dirait une alarme dans les bateaux. Ah ouais, un peu, ouais. Ah oui, dites-moi ce que vous. Dites-moi ce qu'on dirait et je vais m'en servir demain pour mon montage, j'en touche pas mon poste. Ouais. Je vais le mettre demain. À quoi ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Moi, je dirais une perceuse. C'est pour l'instant le plus. Une perceuse qui rentre dans du fer. Qu'est-ce qu'on dirait d'autre, James du standard? Moi j'aurais dit une alerte comme ça. Une alerte comme ça. De paquebot. Non. Ah oui. Un bruit de paquebot. Ouais, une sorte de sirène. Ouais, voilà, de paquebot ou de train, quoi. Ah ouais, ça fait un peu alarme de nucléaire. Ah, là aussi, l'alarme. Attends, je l'ai, l'alarme nucléaire. Ouais. Ah, ça fait un peu ça, t'as raison, Guillaume. Ah ouais. Je parle tout seul. Ah ouais. Attends. Attends, je l'avais en plus, l'alarme nucléaire. Non, attends, putain, j'en ai plein des sons. Même le bruit de dépucelage qu'on fait, c'est Guillaume. Quand quelqu'un ah oui, oui, oui. Oh là là, c'est dingue. Mais comment c'est possible? Oh là là. C'est insupportable. Oh là là, ça fait mal aux oreilles, quoi. Attends, un klaxon de camion, ça fait moins de bruit, je suis sûr. Attends. Ah, ça m'approche un peu. Ouais. Attends, klaxon de camion. Non, je vais la retrouver, parce que j'avais l'alarme. Je l'avais. Un passage d'un avion de chasse. Non, ça marche pas. Ah, alarme nucléaire, je vais la retrouver. Non, ça marche pas du tout. Oh fait. Non. Un peu, ouais. Il y a un petit truc. En fait, c'est une autre alarme qu'on imagine. Bon, très bien. Le cri du jet quand on se trompe de trou. Un dinosaure dans Jurassic Park ou World. Salut, René le taxi. Salut, René. C'est un gars de musée qui n'a plus de batterie. Là. Oh. J'ai vu ça sur 20 minutes. J'ai explosé de rire. Enzo du 6-4. Le bruit de ma bite qui a descendu du cul de jeune stagiaire. Oh, non, non, non, non. On dirait l'intro d'Alerte Enlèvement, le ronfleur. Ah ouais. Alerte Enlèvement. Ah ouais, un peu, ouais. On dirait un bruit d'autruche ou d'un autre animal. Ouais. On dirait un éléphant, un dinosaure, un bébé dinosaure. On dirait un perroquet qui gueule, Jérémy de Clermont. Là. Salut, Jérémy. Une alarme. Ça ressemble à un T-Rex. Ah ouais, un peu. Ouais, putain, c'est énorme, quoi. Ouais. Salut, un cachalot. On dirait un bruit d'autruche mordant ou d'un autre animal. Ah ouais, l'alerte enlèvement, c'est assez hallucinant. Ouais, ça fait peur. Hein. On n'a pas l'alerte enlèvement. Ils sont là. On l'avait, non, le ouais, son. Ouais, ouais, ouais. Elle est pas attends, très longue. On n'a pas le droit de le passer, ouais, je voilà, crois. Ouais, voilà, je crois. Ah, on n'a pas le droit. Allez, où, Guilherme, c'est où elle est? Là, comme ça, non, mais non. Je peux faire une recherche, tu veux. Vas-y, à côté, en courant. En courant. Vas-y. En deux secondes, on n'a pas le droit de le mettre, mais je précise, c'est pas une vraie. C'est juste pour essayer la petite sirène au début. Si un avion s'écrase en Macédoine, 6 morts, dédicace au transport Cotu. Salut à toi, man. Ah ouais, bah, tu vois, James Sonda, il a mal regardé sur Google. Attends. Mais tape avion, tu vas voir, avion feu, quoi. Non avion actuel. Quand tu tapes avion, attends, il y a... Tu tapes avion écrasé. Est-ce que t'as tapé avion écrasé? Non. Ah, il a pas tapé avion écrasé. J'ai tapé. Et crash, c'est sorti. Voilà. 6 morts dans le crash d'un avion en Macédoine. Non, mais t'es quand même pas bon parce que je tape avion, moi ça sort. Hein. C'est marrant, c'est que James Sonda. Mais dans l'avion, Clinton, après, il y a une histoire à Bordeaux. Ouais. Après, crash du FA 18 en Suisse. Ah non, en Suisse. Au pilote, c'était trop basse. Attends, c'est un avion de tourisme Haute-Savoie. Non, c'est rien aussi. Ah, c'est un Macédoine. Tu l'as, j'ai essayé. Ouais, je l'ai, ouais. Et c'est quoi, c'est un avion de quoi? Un avion de ligne normale, je crois. Un gros avion, ouais, un énorme avion. Il y a des Kosovars italiens qui sont morts. Ouais. Ah ouais. À Skopje. À côté de la capitale Macédoine. Ah oui, putain, c'est un énorme avion, ouais. Ah ouais. Ah ouais, putain, ça a pris feu. Je crois que c'est un avion de ligne. Hein. Ah, vous avez raison. Ah voilà, t'as vu, SMS, t'avais raison. Il est où, Guy Largi? C'est en B3 RAC 151. Merci beaucoup. Ça, c'est pour langage technique. Pour qu'on retrouve le son. Ah ouais, attends, juste pour essayer, pour voir. Ah ouais. Non, c'est pas pareil quand même. Il y a un air. Ah, il y a un air quand même. Au début. Si, il y a un petit air. Sur la rythmique. Qu'est-ce que t'as d'autre pour terminer, Guy, là? Bah, c'est sur YouTube. En gros, c'est un musicien qui est marocain. Et lui, il fait plein de petits remixes un peu à sa sauce. Et là, le remix qu'il a fait, c'est sur Charlie Pousse. Ça, c'est le morceau de base. un directeur dans mon lycée qui s'appelle Monsieur Play, c'est ta famille? Non. Mais tu lui feras un bisou de ma part. Ouais. Dans quel bahut? C'est rigolo ça, il y en a pas beaucoup des plaies pourtant. Là. On dirait le bruit de la part des étoiles dans Stargates. Ah ouais. Je l'ai pas vu, ouais. Ça fait pas. T'as pu mettre le bruitage de GameCube? Exactement, ouais. Un klaxon de vieux taxi, une alarme sous-marine. Ah, c'est peut-être ça. Salut le légionnaire du 14. Ah, c'est un salut. Ah ouais, c'est ça, non. C'est la. Exactement, c'est ça. C'est quand le sous-marin rentre sous l'eau et l'alarme. Exactement. Bonsoir à toi, on dirait Jester qui éjacule au bout de 5 ans. Thomas du 38. Non, non, non. Le bruit, on dirait Sangokan qui se transforme. L'alarme d'American. L'alarme d'American Nightmare, apparemment. 2-3, là. L'alarme sous-marine. B3, tout le chez coulé. Merci beaucoup. Et alors, t'as le remix. Et en fait, le truc, c'est que pour faire son remix, lui, il va piocher dans les interviews, les reportages de la télé marocaine. Ouais. Et il prend les voix, justement. Dans de les quoi, elle va compris. Dans les interviews. Les interviews. Et du coup, en fait, il remplace la voix de Charlie Pousse par la voix des reportages. D'accord. C'est horrible. C'est pas du tout réussi, on est d'accord. C'est dégueulasse. Ah ouais. C'est atroce. Bon, juste. Merci mon Guigui, la régie. Bah, pas de soucis. Reste avec nous, c'est bon. Allez, vas-y. Juste, il y a le Ludo de Nivelles. Bonsoir Ludovic, 37 ans, la star. Bonsoir Ludo. Salut Ludo. Salut. Ouais, bonsoir Guillaume, bonsoir tout l'équipe, vous allez bien? Ça va ou quoi? Bah, vous allez bien! Papa! Ah oh, putain, demain j'ai un film indien magnifique, donc je peux avoir une petite surprise. Bah, vous allez bien! Alors, il est où le. Bah, qui... Ça va ou quoi? On chantait Ludo. 37 ans de Nivelle. Enchanté. Ça va, frérot, enchanté. Hein. Très dans quoi, toi, Ludo, Nivelle? Ah bah, j'ai créé ma petite entreprise de parc et jardin et entretien piscine, mais je sais pas si je peux la citer à l'antenne. Ah là là là là là là. On va se faire taper le bout du sgeg par le CSA. On va se faire taper. Ça va faire mal, hein. Ah là là là. Mais vas-y, bien sûr, dis-le. Bah, là, on a le site internet, c'est simplement luxury, L-U-X-U-R-Y, garden.be. Voilà, ah bah, très simplement. Bien. C'est à toi? Ouais, je viens de la créer, ouais, puisque bon, bravo. Comme j'ai dit avant, j'ai fait artiste pendant 7 ans. Sur la route en Belgique. T'es une star de la chanson. Ouais, non, non. Bah, oui, je me prenais, oui, j'avais eu le melon, je me prenais pour une star. En fait, je devenais quelqu'un que j'étais pas, et même avec mon entourage, j'étais très ingrat, et j'ai fait souffrir ma petite amie, à partir du moment où je l'ai rencontrée, elle est arrivée dans ma vie, après 6 ans que je faisais ça. Donc, elle est arrivée l'année dernière, et elle m'a fait retomber les pieds sur terre, grâce à son amour. Ah ouais. Et j'ai ouvert les yeux parce que j'étais devenu vraiment pire qu'un Claude François. J'étais vraiment devenu quelqu'un qui était très ingrat et qui traitait, qui prenait tout le monde de haut, quoi. Ouais. Ça m'était vraiment monté à la tête. C'est quoi le. Tu dis, c'est son amour qui t'a fait descendre sur terre. C'est son amour ou c'est genre une embrouille, une engueulade, une claque, un truc t'as calmé à un moment donné? Non, non, c'est son amour. Elle m'a ouvert les yeux au fur et à mesure sur la réalité de la vie parce que j'étais complètement perdu. Je partais dans un sens complètement. Complètement à l'ouest, quoi. J'étais vraiment. Je me prenais vraiment pour un type. J'avais deux personnalités en moi. Donc, t'étais un mec médiatisé. Genre, c'est pas toi qu'on a vu complètement défoncé dans le dernier clip de Snoop Dogg? Non. Mais j'avais ma chaîne YouTube et tout que j'ai retiré. Mais voilà, j'ai été chanté un peu partout, en Guyane française, un peu partout. Mais genre, t'as sorti un single, t'as été connu? Disons que je suis diffusé encore à l'heure actuelle dans des radios en France aussi, dans 400 radios françaises, mais des radios régionales. Pas de grosses radios, voilà. Ouais, mais bon, ouais, c'est pas mal. C'est quoi ton nom? Une démonstration. C'est quoi ton pseudo, du coup? Ben, j'ai pas trop envie de le dire parce que j'ai arrêté, mais bon, c'était sous Ludo Prel, voilà, mais j'ai arrêté ma chaîne YouTube et tout. Ludo Prel. Ouais, mais voilà. C'est ton famille, Prel? Non, non, c'était mon nom d'emprunt, voilà. Non, pas du tout. C'est une plante aussi, la Prel. Comment? Ah, c'est une plante là, après le M7 aura ouais, après un truc. Ouais, c'est possible. Ah ouais, c'est la voix de Patrick Bruel. J'étais vraiment devenu un gros. Voilà, mais bon, avant j'étais gros, puis j'ai maigri et tout. Enfin, j'étais vraiment devenu un gros connard. Vous allez rater un bon. Attends, il faut que tu nous fasses une démo. Attends, on va écouter en direct Ludo Prel. Ah non, je chante plus. Non, je chante plus. Ah, tu chantes plus? Merde. Non, non, je préfère pas. Je vais oublier parce que. On va retrouver l'un d'entre vous qui a 14 ans qui a fisté sa meuf, ça m'a le fini. Va nous raconter. Vas-y, vas-y. Pas envie de rentrer. Ah non. Non, faut plus passer ça, s'il vous plaît. C'est bien, on dirait le vrai. Ah, c'était mes débuts, mais bon, voilà, c'est fini, c'est du passé. Si c'est ça. J'avance un peu. Vas-y. C'est la voix. Ah bah ça va. Ouais, mais non, mais c'est juste passé. Tout ce qu'a marqué sur les murs. Ah bah ça va, ça va. On dirait, ah, bah, oui, c'est, oui. C'est à l'ancienne, mais bon, ça. Ah non, c'est du passé, voilà. Bon, c'est... Non, mais c'est bien, bravo, Ludo, je suis content. Oh, non. Enfin, moi, je regrette pas, mais bon, je regrette avoir fait souffrir mon entourage et surtout ma petite amie, et je m'en excuse auprès d'elle parce que je sais qu'elle écoute. Et je tiens à la remercier parce que vraiment, elle m'a fait ouvrir les yeux sur les vraies valeurs et je suis très heureux de faire ma vie avec elle. Et ah ouais. C'est vraiment la femme de ma vie. Ah ouais, ouais. T'es devenu chiant en fait, t'étais une star. Non, mais c'est bien, t'as raison, c'est la vraie vie quoi. Faut pas se sentir pousser les ailes. Genre, t'avais pris la grosse tête, quoi. Tu le dis quoi. Le mec, tu t'en rends compte quoi. Ouais, mais non, là, c'est, vous avez vu la vidéo, là, c'était mes débuts, c'était sur IDFM, mais ça, c'était mes débuts. Après, j'ai fait mes propres chansons, etc. J'ai formé griffes, j'ai fait attention à mon physique et tout et tout. Mais voilà, mais j'étais vraiment devenu un gros connard. Tout à fait, je prenais tout le monde de haut. Ouais, tu es devenu un bâtard. Un gros bâtard. Parce que moi aussi, je suis une star, toi, mais je suis avec mon mari ici. Viens là, chérie. Ouais, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Chérie. Ouais. Parce que depuis que je suis une star, tu arrêtes pas de me dire que j'ai la grosse tête. Parlez chic off. Je t'ai déjà dit depuis que tu parles à Stromae, tu. Parlez chic off. Le roi Belgique à Namur, l'autre fois, je t'ai bien vu piquer sa frite, hein. Donc, t'as un peu la cheville qui off, là. J'ai quand même le droit, excuse-moi, d'avoir des amis dans le tour business. Soit pas vraiment ce qui peut te poser de problème, mais enfin, je trouve ça extrêmement malfaisant que tu me regardes. Tu m'épiffes et des gestes. Tu as quand même tendance à m'oublier. Ouais. Excuse-moi de te le dire. J'ai pas tendance à t'oublier, chérie. Tendance... Je te rappelle que nous avons fêté nos 20 ans de mariage. Oui, je me rappelle les 20 ans, parlons-en. T'arrives en retard à la cérémonie avec mes parents, la belle famille. T'arrives en retard sous prétexte que t'es dans le showbiz à Bruxelles. Alors bah, parlons-en. C'est pas que je suis dans le showbusiness, c'est que le showbusiness m'a adopté. J'y peux rien. En plus, je sais pas avec qui tu fricotes encore, un Patrick Juvet ou un autre, mais bon. Je suis extrêmement amoureux d'une nouvelle petite star qui est sortie de la chanson Ritza ou je sais pas quoi. Ouais, Ritza, là c'est taille. Moi je fais cette taille dans son cul, tu vas voir. Moi je vais m'occuper de lui. Je ferai bien son petit trou de barre. Ouais, bah y'a pas trop non plus. Attention, je suis derrière. En arrière. Chasse sur l'arrière. T'es en appui, chérie. Ouais, j'en appui, tu peux compter sur moi. Tu casses les reins. Je casse tout, je le déboîte. Ah là là, putain. Bon, et là c'est taille. Juste. Ah, il y avait Eric aussi qui vous appelle. Plaisir. Tu m'entends, Eric? Vous allez bien? Bon anniversaire à tous les concernés, ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Ouais. Putain, je perds les bonnes habitudes. Hein. Le 6 septembre, les vierges. Évidemment. Oui. On remet ça. Excusez-moi de cette abominable erreur. Ça va ou quoi, frérot? Enchanté. Ça va, et toi? Ça va, ouais, tranquille. Ça va l'équipe? Ça va. Salut. Ça va, tranquille. Je prépare tranquillement mon bruit là. De. Voilà, ça va mieux là. Ça va mieux là, je le sens. Ah ouais. Je voulais chercher. Alors, cucu, on y va, ah, c'est cool. Parti. C'est l'ouverture de la chasse. C'est parti. C'est l'ouverture du cucu. Ah non, c'est pas ça, vous voyez. C'est autre chose ça. Ouais. Non, je voulais envoyer le son de l'alarme militaire. Mais c'était pas ça. Alors vas-y, on t'écoute, mon ami, 21 ans, de T'as bel doux, toi, du 80 d'un Somme? Ouais, Picardie. Ouais, la Picardie profonde, Martigneville. Enchanté, mon poteau. Ouais. Salut à tout Martigneville, merci. Hein. Qu'est-ce que tu voulais raconter? Donc, en gros, voilà, je t'explique un peu. J'ai une technique un peu sale, en fait. Je fais des trucs un peu sales. J'aime bien Jacques dans la bouche à ma meuf, tu vois. Bon, ça reste soft. Ouais, normal. Parce qu'en fait, bah, j'aime bien qu'elle me le recrache dans la bouche et je l'avale. Oh non. Ouais. Voilà. C'est un peu sale. Après, bon, j'en ai d'autres, tu vois, mais bon, je vais pas tout dire non plus. Et qui te recrache dans la bouche? Ouais, puis je l'avale. Ouais, ça me choque pas. Après, c'est son sperme à lui, mais quand même. Ça me choque pas. Ça a transité par la bouche de la fille. Moi, ça me choque pas. Retour à l'envoyeur, quoi. Attends, Non, ça me choque pas. Je vais s'agir, toi, c'est moi que je pense. J'ai qui sur un truc là. Du bon me sperme sur le front et tout ça. Ah, mais le mien, tu veux dire? Oui, ton sperme sur le front. Ah, j'ai jamais, non. Avec une fille, j'ai jamais fait ça. Non, jamais. Je pourrais pas le faire. Ou alors un soir, bourré peut-être, mais. Pour essayer, ouais, tiens. Non, recracher un bouche. Non, quand même. Non, jamais. Non, je rigole, ça me dégoûte trop. Je voulais voir si Même juste après que la fille m'ait sucé, je vais pas faire le bisou. Ah si. Pas de suite. Ah bah si, moi je le fais. Ça sent pas justement. Ça sent. Y a rien. Y a un problème. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Comme quand tu la lèches, tu l'embrasses trop chaud. Oui, mais au début, tu vois. Ouais, faut vraiment être chaud. Voilà. Si la fille tu viens la rencontrer, tu vois. Bah oui. Non, c'est clair, c'est clair. Après, quand ta meuf dessus, c'est qu'elle t'embrasse, ça se fait pas de lui refuser. Évidemment. Viens te faire plaisir et tout. C'est un truc de goujat, ça. J'aime ça. C'est un échange. C'est la même chose. Flo des cadeaux, toi, ça t'arrive parfois de manger ton sperme? Non, jamais, non. Voilà, j'ai jamais essayé. C'est bon, même ça. Par curiosité, non, jamais. Bah, goûter. T'as jamais essayé, genre. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont essayé pour voir. Une goutte sur le doigt. Sur un toast. Non, non, j'ai déjà senti, moi, dans le mouchoir. Oui, bah, tout le monde. Oui, sentir, mais pas. C'est une odeur forte, hein, quand même. Ouais, ouais. J'imagine la fille qui le. Qui l'avale. Ouais. Quand même, hein. Non, mais c'est en fait, ce qui est gênant, c'est que tu sais pas si tu dis ils ont de la chance ou pas. Ah ouais, c'est give me the green light. Ah ouais. Cause I'm ready to go. Toi, Julien, on te pose pas la question, t'avais jamais fait. Si t'avais fait, je sais plus. Mais si, mais si. Non, mais tu veux qu'elle aille avec moi, elle est bille, Julien. Ouais, mais... C'est vachement bien pour les histoires, il y en a deux fois plus. Ah ouais, c'est ça, ouais. Les deux côtés. Ouais, t'as déjà senti le musper, ouais. Bah ouais, mais écoute, ouais, bah c'est un peu chelou. Ouais. J'avoue que je l'avèlerais pas si je connais pas le mec, tu vois. Ouais, ouais. Si tu l'avèlerais pas, en plus, alors. C'est lavélé par le nez. C'est un nouveau mot. Non, si tu connais pas le mec, ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est un peu gênant, je trouve. Ouais, ouais. T'as déjà avalé un mec, du coup, que tu connaissais pas? Bah ouais, mon copain, mais. Ouais. Bah non, pas non, pas non, mais tu connaissais depuis longtemps, genre ou... Ça change quoi? Bah ouais, on est resté, ouais, on est resté 6 mois ensemble. Donc ah oui, d'accord. Ça, ouais. Je connaissais ouais, bien. Ça va. Ouais. Et il faut être sûr que tu. Parce que ça, ça va vraiment t'attraper une maladie si le mec il a, tu vas dire. Hein. Ouais. Là, c'est l'ADN, là, c'est vraiment le centre de la boule. Là. Ah ouais. C'est le centre de la boule. Là. Ah bah, c'est vrai, genre, tu peux attraper vite fait une petite merde. Ah bah là, oui. Et. Ah bah là, oui. Alors. Merci pour les cadeaux. Pour les cadeaux qui changent de voix chaque fois. Ils changent, ils mutent. Pour les cadeaux qui se transforment. Il aurait pu faire l'âge de glace avec moi, mais sans. Personnage. Alors attends, Julia, donc tu m'as raconté un truc, ouais. Hein, c'est intéressant. Pas de sperme et de bois. Alors, ouais. Donc, non, et t'en as déjà pris sur le visage et ça t'a dégoûté, genre non, l'odeur. Il m'est arrivé une histoire de dingue. Voilà. À Amsterdam, j'étais dans le quartier rouge pour aller visiter le quartier rouge d'Amsterdam. Visiter, c'est le quartier rouge, c'est quoi? C'est là où il y a des prostituées dans des vitrines. Ouais, c'est un célèbre quartier. C'est bien là-bas. La première fois qu'il y a dit le mot prostituée dans sa vie. Ah ouais. En vrai, en antenne, il aurait dit pute. Mais bon. Elle a fait l'effort pour vous. Hein, ouais. Et du coup, donc, moi, j'adore faire du Snapchat et tout. Et je filme. J'adore faire du Snapchat. Voilà. J'ai et je filme. Alors moi, 20 minutes par jour, je fais du Snapchat. J'ai un cours de Snapchat. Et je filme comme ça une des prostituées par Snapchat. C'est vrai que j'aurais pas dû le faire. Et la fille, c'est. Énervée sur moi, elle m'a pris mon téléphone et a pris un verre. Il y avait du liquide hyper blanc dedans et me l'a jeté dans le visage et dans les cheveux. Et donc je me suis dit, c'est impossible que ce soit du sperme quand même, parce qu'il y en avait beaucoup. Attends, mais t'es dans la cabine? Non, non, j'étais dehors. C'est du lait. Son verre, il était où? Il était. En fait, sa cabine était entrouverte et donc elle avait un gobelet dans la main, comme ça, mais genre comme si elle avait l'habitude, quoi, pour se défendre en fait. Ah ouais, et oh ensuite, là j'ai là, parlé c'est à possible, d'autres ça. Gens. C'est pas du sperme, pourquoi elle garde le sperme? Mais justement, moi je me suis dit, c'est un truc de fou. Et j'ai parlé à d'autres gens. T'as senti l'odeur? Ouais, j'ai senti et tout, ça collait mes cheveux. Ça collait mes cheveux et tout. C'est sûr. En mode col gluant. Et j'ai parlé à d'autres mecs qui habitaient à Amsterdam et ils m'ont dit, il y a beaucoup de liquide, c'est pas que du sperme, mais il y a beaucoup de sperme dans ce truc-là. Et pour se défendre quand on les filme ou des trucs comme c'est ça. C'est de la colle, ouais. Ouais, elle te le jette dessus. Putain, c'est connasse, quoi. Ah, mais tu l'as fait quoi du coup là? C'est du viol. Rien, moi j'ai eu super peur, je me suis barré en courant. Ouais, mais tu l'as filmé aussi, c'est écrit partout qu'il faut pas filmer et tout. Ah ouais? Ouais, il y a des panneaux et tout. Non, j'étais en tort. Mais tu l'as filmé genre en mode. Un animal là. Voilà, je suis dans le quartier rouge et tout, je l'ai filmé vite fait, mais j'avoue que c'était un manque de respect. Donc je sais pas que je l'ai mérité, mais je me suis pris une faciale. C'est un manque de respect, c'est qu'elle fait ce métier de toute façon, ça change rien d'être filmé ou pas. Après, c'est comme. C'est ce que je veux dire. Balzo non plus, ouais. Tu fais une faciale gratuite, quoi. Merci. Mais t'as senti, donc tu confirmes que ça avait l'odeur de sperme ou pas? Franchement, c'était pas que du sperme, mais il y avait du sperme dedans, c'est sûr. Ah ouais. Ouais. Et t'en as pris dans la bouche, non? Faut y retourner non, pour comparer. Pas dans la bouche, mais genre sur les cheveux, quoi. Attends, tu devais te dégoûter. Ah ouais, c'était horrible. Oh. Tu devais te sentir. Parce que là, tu sais pas si le sperme, c'est du sperme. Il avale, hein. Ça collait et tout comme du sperme, quoi. Ah ouais. C'est ça, de faire du lèche-vitrine. Oh. T'es drôle, ça. Non, mais en fait, on s'est tous posé la question. Est-ce qu'elle est énorme, la nuit? Ça fait 3 minutes que je veux la placer. T'es bien. Ça, tu devrais pas le dire, ça. Ça, tu le dis pas. Enfin, tu gardes pour toi toutes ces phrases. Et donc, tu t'es retrouvé... Qui arrive. Et donc, Jimson. Il adorait ce bruit. Merci, Jimson. Faut pas. Hey, joyeux Noël, Jimson. Il est content. Devient de plus en plus fou. Allez. Bon anniversaire. Oh merde.

Je me suis pris un râteau, mais. C'est super, merci. Là, ici, mais ça commence toujours bien aussi, mais ça termine tout Elle m'a mis un râteau. J'ai un stagiaire, déjà, pareil, d'hier ça, c'est se faire sucer après l'amour. Ouais, j'aime du standard. Ouais, j'aime bien moi aussi me faire sucer après l'amour. Mais je te montre, c'est une autre histoire, la même. Oh, l'homme qui sert à rien. Raconte-moi un truc qu'on n'a pas raconté avant. Le mec, il sert qu'à dire. Ah, moi aussi, j'adore. Non, non. Ah, le code, c'est très bien pour Nicolas. Le code, c'est là que je ken grave. Je sais pas si c'est ça, mais c'était un truc chelou. C'était fist anal. Merci. Voilà. On a pas fait un. T'as déjà fait? Ouais. Je te crois non, pas. Je te jure. Ça y est? Non. Mais non. C'est non, c'était il y a quelques temps. Mais t'as payé ou pas? Mais non. T'as mis ton poing dans un cul entier? Ouais. Mais jamais de la vie ça rentre. Non, mais ça, c'est l'avantage de sortir avec des gens démembrés. Non, non, mais le problème. Il sortait avec des. Il les sentait pas ou avec des femmes qui sentaient plus leur corps. Mais non. Non, mais genre dans le sens. Qui avait largement pris. Ouais. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Arrivé au moins. Dans les fesses. Il y en reste deux, ben t'as qu'à faire. Ouais, je te jure. Dans les fesses. Ah ouais. Pareil devant, quand tu as fait devant après. Mais devant, ok. Mais... Ouais, je parlais avec des femmes qui s'étaient marrassées. Ah ben oui, j'avais fait mon trou avant. Ah ouais. J'avais fait la place. Et... Obligé. Moi, j'ai une vision là de J.M. Standard. Ah ouais. Il faisait Jeff Manaclock. Ça a pas ça, ouais. On aura Jeff Manaclock d'ailleurs dans l'émission. Ah ouais. Non, il va venir co-animer l'émission avec moi un soir, on va bien rigoler. Avec lui et Jean-Marc, hein, du coup. Jeff Manaclock et Jean-Marc. Ah, ouais, ah oui, j'ai 1:05. Moi, je vous fais un gros bisou. Eric, on reparle de ça demain. Tu veux bien revoir l'émission avec nous, qu'on parle de Bruxelles dès 22h? Ah ouais, trop bien. Y a pas de problème. On reparlera de Fistanal. Je vais m'inviter chez toi directement, on en parle. De quoi? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, mais ouais, ça me dérange pas. Tu sais, c'est. On est chez nous hein, le soir là, à la maison. Par le fist. J'aime bah, voilà. Jonathan, tu nous expliqueras le fist hein, demain. Ouais. Avec plaisir. Anal, je veux les détails. Ah, bah... Tu me le notes sur la conduite demain. On note fist anal. Ah, ouais, tu me le mets en ouverture d'émission. Je le note sur les doigts de la main. Voilà. Et je mettrai une musique. Tu le notes sur quoi? Sur les doigts de la main. Oh là là là. Ouais. Oh là là. Oh le lourd. La lourdeur. La lourdeur. Bonne nuit, j'aime le sandal. Avec plaisir, Guillaume. Bonne nuit. Bonne nuit à demain. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume. Salut, bonne nuit. À demain, Guillaume. Bonne nuit. Bonne nuit, Julien. Bisous tout le monde. Dors bien. Allez, bisous. À demain, faut les cadeaux. À demain, bonne nuit. Dormez bien tout le monde. Je vais essayer avec Mickaël. Tu m'entends, Mickaël? Yes. On a parlé du fist anal de JM du Standard. Nous sommes tous choqués. Ouais. C'était l'heure de partir. J'ai entendu ça, j'ai regardé l'horloge, j'ai vu qu'il était minuit. J'ai compris. JM du Standard à partir de minuit devient dangereux. Ah ouais. Pour ça, je rentre direct après. Si Ivrier. Une petite phrase pour Mickaël, JM du Standard. Ça va, Mickaël? Ah. Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. C'est hyper intéressant ta discussion. Ouais, grave. Enfin, ce mec qui te met une ambiance sur un plateau, c'est un truc. Ah ouais. Ça va, Miguel et toi? Très bien, merci. Ouais, super. Pas une petite phrase sur le fist, rien du tout, non? À qui le tour? Non. Pas ce soir, parce qu'après, ils vont encore se sentir persécutés. Ouais, ça va. Ah putain. Bon, bah écoutez, kiffez bien, les gars, et puis on se retrouve demain. Bon, ça roule. Bonne nuit. Ciao. Bonne soirée, bonne nuit, les gars. Ciao. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud.